Service 24 heures sur 24 heures. J'ai pas de jour férié ni de dimanche. Pour aller à la campagne, je recommence. C'est un métier de fou. C'est un métier de fou. Il faut vous dire quand il y a des réceptions. J'habille madame, c'est pas bien folichon. Elle a 60 berges, elle est toute ridée. Pour cacher tout ça, on doit la maquiller. Elle est pas belle à voir. Elle est pas belle à voir. Mais le compte de tout, c'est qu'elle pue des pieds. Qu'est-ce que je prends dans le pif quand je lui mets ses lacets? Elle met du parfum, elle fume une de chez Cardin. Soit la laver à la brosse de crin. Mais qu'est-ce qu'elle pue? Mais qu'est-ce qu'elle pue? Parfois j'emmène monsieur au bois de Boulogne. Il touche pas aux filles, mais il faut qu'il orne. Il a une collection de photos porno. Mais y'a rien à faire sans zizi dit non non non. Mais moi j'en peux plus. Et moi j'en peux plus. J'en ai vraiment plein les couilles. Faut que je fasse quelque chose pour me défouler. Sinon je finirai par devenir cinglé. Je vais m'énerver. Je vais m'énerver. J'ai tué l'ambassadeur et sa sacrée bonne femme. Tous les petits enfants et la tante Jeanne. Je suis allé à la cave, j'ai sorti le champagne. J'ai appelé les copains et puis leur femme. On va faire la fête. On va faire la fête.